Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 25 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Paul, ça vient du latin petit. Paul a du caractère mais cela n'apparaît pas de prime abord car il est enclin à la méfiance. Pourtant passionné, il a une nature réservée et un besoin de rester secret. Deux tendances extrêmes coexistent au sein de cette forte personnalité. D'une part, il est introverti, calme, réfléchi, patient, persévérant. Il n'aime guère l'imprévu, à le sens des responsabilités et une moralité stricte, voire austère. D'autre part, il est extraverti, mobile, changeant, excitable, indépendant. Il refuse les contraintes, adepte de la liberté et amoureux des plaisirs. C'est donc un personnage souvent ambigu dont les actes ne sont pas toujours à la hauteur des paroles ou des promesses et réciproquement. Quoi qu'il en soit, il soigne son apparence. Sobre et digne, il en impose par sa fermeté, ses résolutions déterminées, sa volonté ainsi que sa puissance de travail que l'on donne souvent en exemple. C'est un homme cérébral, d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Il réfléchit avant d'agir. D'esprit rationnel et analytique, il est également intuitif. Après mûre réflexion, il plongera dans le scepticisme le plus total ou dans un mysticisme convaincu. Avec lui, c'est tout ou rien. Paul est ennemi des demi-mesures. Dicton du jour, à la Saint-Paul, l'hiver se rompt le cou ou pour 40 jours se renoue. À la Saint-Paul, de gros brouillard si la terre est couverte. Selon le dire des vieillards, mortalité nous est ouverte. À la Saint-Paul s'entrebattent les vents, celui qui l'emporte dominera l'an. De Saint-Paul, la chère journée nous annonce une bonne année. Le froid à la Saint-Paul n'a plus qu'une épaule. Alors on verra tout à l'heure que froid, neige, c'est encore au programme hein, aujourd'hui et pour les jours à venir. Célébration internationale aujourd'hui au Honduras, c'est la journée de la femme hondurienne. Au Royaume-Uni, en Écosse, c'est la nuit de Burns en l'honneur du poète écossais Robert Burns où on y mange le haggis en récitant des poèmes. Et au Pays de Galles, c'est la fête de la Sainte Diwen. Sainte Diwen étant la sainte patronne locale des amoureux. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés les 25 janvier. On va donc marquer tout de suite une première pause musicale avec la chanteuse Alicia Keys et son titre We Are Here. Incense, we gon' pray for the innocent. Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Let's talk about Gaza. Let's talk about Israel. Right now with Israel. Let's talk Nigeria. In a mass hysteria. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, brother. We in the nation, we're no support for education, cause right now it don't make sense, right now it don't make sense, let's talk about our part, my heart touch your heart, let's talk about living, had enough of dying, not what we all about, let's do more giving, do more forgiving, yeah, our souls are brought together so that we could love each other, sister, we while we are here. Alicia Keys sur RGM, il est un peu plus de 8h37, on est toujours dans la matinale, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 25 janvier 1943, naissance de Maurice Rich, acteur français, vu dans Le Gendarme et les Extraterrestres, Le Gendarme et les Gendarmettes dans le rôle de Beaupied, Mon Curé chez les Thaïlandaises dans le rôle du curé Maximin ou encore La Cité de la Peur. 1946, naissance de Marie-Paule Bell, chanteuse française connue pour le titre La Parisienne, dont on écoute tout de suite un extrait. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller, m'en fait griller. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas. Voilà pour l'extrait de La Parisienne, donc de Marie-Paule Bell. On continue. 1955, naissance d'Olivier Assayas, réalisateur français à qui l'on doit Désordre, Clean, et récemment, et d'ailleurs je crois actuellement encore au cinéma, le film Double Vie. 1962, naissance de Bruno Martini, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1981 à 1999 en jouant à Auxerre, Nancy, Montpellier. Il a d'ailleurs été l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France de foot de 1999 à 2010. 1967, naissance de David Ginola, ancien footballeur français reconverti en animateur télé. Il a fait sa carrière de joueur de 1985 à 2002 en jouant à Toulon, au RC Paris, à Brest, au PSG, à Newcastle, Tottenham, Aston Villa et enfin Everton. 1971, naissance d'Anna Ortiz, actrice américaine connue pour son rôle d'Hilda Suarez dans la série télé Ugly Betty, celui de Marisol Duarez-Suarez dans Devious Maids, vu également dans Urgence, La Vie Avant Tout, American Wives ou encore Revenge. 1978, naissance de Charlène Winstock, ancienne nageuse sud-africaine devenue princesse en épousant Albert II de Monaco. 1979, naissance de Christine Lakin, actrice américaine vue dans Valentine's Day, Happy New Year, la série télé Notre Belle Famille dans le rôle d'Alicia Lambert. 1981, naissance d'Alicia Keys, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Clara Morgan, Morgan, ancienne actrice, animatrice télé, mannequin française. 1985, naissance de Michael Trevino, acteur américain vu dans les séries Charmed, Prison Break, Bones, Vampire Diaries dans le rôle de Tyler Lockwood, ainsi que dans quelques épisodes de la série The Originals. Et il interprète maintenant le rôle de Kyle Valenti dans la série Roswell, New Mexico, qui est diffusée aux États-Unis depuis une semaine maintenant. Je sais pas si vous avez connu la série Roswell hein, dans les années 90-2000. C'est un remake hein, de cette série. C'est également l'année de naissance de J.R. Okroma, rappeur français du groupe Section d'Assaut. Et on va s'écouter un extrait de leur titre, Ma Direction. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça je fais pour moi, ce qui tout est la taronne. J'ai pété les plans, j'ai pété les plans. J'ai quitté l'école. Si seulement tu savais, si seulement tu savais, tout le mal que je garde, tout le mal que je garde. C'est ma direction, j'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus tout bête, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction, ma direction. J'ai fui les sonneries, les bruits de chaises. Moi chercher d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à Sweet Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé. Plaqué plus d'une fois, dos au remue. Trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straps en guise de mythe, les straps en guise de but. Voilà pour l'extrait de ma direction du groupe Section d'Assaut. On continue les anniversaires. 1986, naissance d'Afsia Erzi, actrice française vue dans La Graine et le Mulet dans le rôle de Rim, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, vue également dans Un homme et son chien ou encore L'amour des hommes. 1987, naissance de Maria Kirilenko, ancienne joueuse de tennis russe ayant fait carrière de 2001 à 2014, qui a été numéro 10 mondial en simple. En 2013, quart de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, 8e de finaliste à l'US Open. En double, elle a été numéro 5 mondial en 2001, elle a été une fois finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros, demi-finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à Wimbledon et médaillée de bronze au JO de 2012 en double. 1988, naissance de Tatiana Golovine, ancienne joueuse de tennis française ayant fait carrière de 2002 à 2008, qui malheureusement a dû arrêter sa carrière à cause de problèmes de dos. Elle a été numéro 12 mondiale en 2008, quart de finaliste à l'US Open. 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Wimbledon. 16e de finaliste à Roland-Garros. À noter qu'elle a gagné le double mixte de Roland-Garros. C'était aux côtés de Richard Gasquet. Et avec l'équipe de France de Fed Cup, elle a été deux fois finaliste. C'était en 2004 et 2005. Et maintenant, elle commente hein, le tennis à la télévision depuis quelques années maintenant. 1989, naissance de Sherif Alouna, chanteuse française. 1993, naissance d'Iris Mittener, Miss France 2016 et Miss Univers 2016. En 1947, décédé Al Capone, un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle. En 2015, on apprenait le décès de Demis Roussos, chanteur grec. Et en 2017, décédé John Hurt, acteur britannique, vu dans Midnight Express, Alien, le 8e passager, Elephant Man, la nuit de l'évasion, Harry Potter à l'école des sorciers, ainsi que Harry Potter et les reliques de la mort, première et deuxième partie, dans le rôle de Monsieur Ollivander, vu également dans Hellboy 1 et 2, dans le rôle du professeur Trevor Brunton Holm, alias Broom, vu aussi dans V pour Vendetta, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, dans le rôle du professeur Huxley, ou encore Mélancolia. Allez, nouvelle pause avec Sherif Alouna et son titre, Il avait les mots. Il était vrai. Que moi, je suis tout bêtement. ils mentaient. Ils se perdaient dans ce qu'ils me racontaient. Se trompaient non quand ils disaient qu'ils m'aimaient. Et je supportais. Elle est tout de suite venue m'avouer. J'étais pas la première conne avec qui s'amuser pendant tout ce temps. J'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Ce qui m'a toujours dérangée et que rarement le soir je pouvais le capter, mais je m'en Il avait les mots, Sherif Alouna, sur le 107FM. Il est presque 8h49. On fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, on va passer la journée principalement sous les nuages. Quelques flocons de neige tombent actuellement. Enfin, je regarde par la fenêtre, ça a l'air de se calmer un tout petit peu. Donc soyez quand même très vigilants hein, parce qu'il fait froid, donc ça peut glisser par endroits. On devrait avoir quelques éclaircies dans la journée, mais encore rien n'est moins sûr. Comme je vous le disais, il fait froid, des températures comprises entre moins 4 et moins 2 degrés ce matin, entre moins 1 et 1 degré pour cet après-midi. Alors ce sera pas très joli joli pour ce week-end. Hein. Samedi, ce sera de la pluie avec de la pluie verglaçante en début de matinée. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Pour dimanche, les températures augmentent encore un petit peu, mais on va passer la journée sous la pluie avec des rafales de vent. Il faudra être vigilant là aussi. Comme je vous le disais, des températures qui augmentent, ce sera entre 3 et 4 degrés dimanche matin et entre 4 et 5 degrés pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le tennis et l'Open d'Australie et le résultat d'hier et la qualification de Rafael Nadal en 3-7 face à Tsitsipas. 1h46 de jeu, le deuxième set a été plutôt accroché, mais ensuite Rafael Nadal a déroulé. Hein. Il s'impose 6-2, 6-4, 6-0. D'ailleurs, Stefanos Tsitsipas qui a félicité Rafael Nadal hein, sur les réseaux sociaux. Grand applaudissement et félicitations à Rafael Nadal et toute son équipe pour apporter le tennis à une autre dimension. Son jeu est plus qu'inspirant pour moi. J'espère vraiment me rapprocher la prochaine fois. Il dit également grand merci à tous pour votre soutien ces deux semaines ici à Melbourne. J'adore cette ville. Et Rafael Nadal, lui, a répondu en disant merci pour ton poste. Et comme je l'ai dit sur le court, tu as tout pour devenir un champion multiple de Grand Chelem. Voilà qui est dit pour la nouvelle génération avec Tsitsipas. Et aujourd'hui, le match qu'on attend, eh bien, c'est la demi-finale de Luca Pouille face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Luca Pouille réalise de belles performances hein, depuis qu'il est entraîné par Amélie Mauresmo. C'est peut-être l'effet Mauresmo, hein, elle l'avait déjà eu d'ailleurs sur Andy Murray quand elle l'avait entraîné. Donc voilà, Luca Pouille affronte Novak Djokovic, c'est à 9h30 ce matin, donc dans 40 minutes à peu près. Et du côté féminin, il y a à peu près une heure maintenant, malheureusement, Kristina Mladenovic en duo avec Babos, eh bien, elles se sont inclinées en finale du double féminin en 2-7 face à Stosur et Zhang. Et je vous rappelle que la finale du simple féminin, qui aura lieu samedi, opposera Osaka à Kvitova. Allez, on file maintenant à Antol Santelserva. On parle biathlon avec les résultats du sprint féminin qui a été remporté par la Tchèque Davidova devant Makaironen et Roiseland. Et quatrième, Laura Dallmayr qui a fait un beau retour. Malheureusement, qui a eu un petit malaise à l'arrivée, ce qui lui arrive d'ailleurs assez souvent, mais ça avait l'air plutôt d'aller. Les Françaises, eh bien, assez loin du podium. Hein. La première Française, c'est Julia Simon avec une 11e place, 13e place pour Anaïs Bescon, 19e place pour Anaïs Chevalier, 31e place pour Justine Brezaz, 42e place pour Caroline Colombo et 46e place pour Célia Emonier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles participeront toutes à la poursuite de samedi. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les 23 premières sont dans un mouchoir de poche. Alors la poursuite aura des airs de mastart. Soyez bien au rendez-vous samedi pour suivre cette poursuite qui s'annonce magnifique. En tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, c'est le sprint messieurs qui nous intéresse. Rendez-vous à 14h30 avec le dossard numéro 6 pour Quentin Fillon-Maillet, le 12 pour Martin Fourcade, le 17 pour Simon Détieux, le 40 pour Émilien Jacquelin, le 54 pour Antonin Guigonna. Le dernier français à partir, ce sera Simon Fourcade avec le dossard 80. Florent Claude, lui, partira avant nos Français. Il aura le dossard numéro 5. Et Johannes Beu partira avec le dossard numéro 27. Donc, il sera encore une fois renseigné par la performance, notamment de Martin Fourcade. Samedi, on aura rendez-vous donc avec les poursuites, avec les dames tout d'abord à 13h30 et les messieurs à 15h30 et dimanche les mastart dames à 12h45 et messieurs à 15h30. Et en IBU Cup, à noter la victoire hier de Fabien Claude sur le sprint. Un mot de football maintenant avec 16e de finale de la Coupe de France et la qualification de Lyon 2-0 sur la pelouse d'Amiens. Dimanche, Nantes se déplacera à Sannois. Un mot de Ligue 1 ce soir, Marseille reçoit Lille. Samedi, Dijon recevra Monaco. Et alors, décidément, à Monaco, faut arriver à suivre, puisque hier, Thierry Henry a été suspendu de ses fonctions d'entraîneur et Leonardo Jardim redevient le coach de l'AS Monaco. Je vous le dis, faut suivre. Samedi, on aura également Guingamp, Reims, Nice, Nîmes, Strasbourg, Bordeaux. Dimanche, Montpellier, Caen, Amiens, Lyon, Toulouse, Angers et PSG, Rennes. Et à noter qu'en Première Ligue en Angleterre, une minute de silence sera effectué en l'honneur d'Emiliano Sala. D'ailleurs, on a appris hier que la police britannique arrête définitivement les recherches, mais la famille du joueur souhaite que les recherches continuent. Et d'ailleurs, en Ligue 1, rien ne sera effectué en l'honneur d'Emiliano Sala pour le moment, à la demande de sa famille. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Auxerre et Metz se déplace à Ajaccio. En National 2, samedi, si le temps le permet, Épinal recevra l'équipe 2 de Lens. En National 3, Rennes l'étape recevra l'équipe 2 de 3 et dimanche, dans les Vosges, se déplacera à l'Aglo Troyenne. En basket, en NBA, l'équipe de Washington de Miami, qui n'a pas joué, s'est inclinée 118 à 126 face aux Golden State Warriors de Stephen Curry à 38 points. L'équipe de Phoenix de Okobo à 12 points s'est inclinée 106 à 120 face à Portland. En Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Nantes et en Coupe de France, Nancy recevra Antibes pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort a eu lieu hier. En National 1, samedi, le Jet Vosges se déplacera à Orchy. En hockey sur glace, en Détroit, Épinal se déplacera à Damary-les-Lys. En patinage artistique, Vanessa James et Morgan Cyprès ont été sacrés hier champions d'Europe. Et on termine avec du handball, le mondial et le match que tout le monde attend. C'est ce soir, 17h30 pour la demi-finale France-Danemark. Allez les Bleus! Allez, on marque tout de suite notre dernière pause musicale avec Demis Roussos et le titre On écrit sur les murs. Se passa. On écrit sur les murs d'Emis Roussos sur RGM. Il est presque 9h. On fait un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques secondes, donc, ce sera un épisode d'Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time. Et à 21h, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end et soyez prudents sur les routes. Bye bye.